Les États-Unis, ils ont déjà 19 médailles, juste devant la Chine. Et ça dit quoi pour les athlètes français? Eh ben, nous, on est 27e au classement des médailles. À Rio, le compteur des médailles est toujours bloqué. 3 jours au JO, une seule médaille. Hier, la France a encore connu des déceptions. La première, c'est la 5e place de Camille Lacour au 100 mètres d'eau. Ensuite, en judo, Autun Pavia a été battu en quart de finale et au repêchage. Autre résultat manqué en escrime, Manon Brunet termine 4e. Très mauvaise journée en tennis aussi. Caroline Garcia, Christina Mladenovic, Alizé Cornet et Joe Wilfried Tsonga sont éliminés. Mais on a quand même une bonne nouvelle, elle est en basket. Les Bleus ont réagi après la défaite en match d'ouverture contre l'Australie. Une réaction était attendue et bien c'est fait. Victoire 88-60 des coéquipiers de Tony Parker face à la Chine. Prête à commettre un attentat en France, une adolescente de 16 ans a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération antiterroriste à Melun. Elle a été mise en examen et en détention provisoire. Elle serait très radicalisée, elle aurait même eu l'intention de passer à l'acte. Elle en aurait fait part sur la messagerie Telegram. Son portable et son ordinateur sont en cours d'analyse. Et justement, suite aux attentats, les policiers municipaux veulent les armes sollicitées dans le cadre de l'état d'urgence. Ils réclament un armement généralisé pour assurer leur mission. Aujourd'hui, moins de la moitié des policiers municipaux seraient armés. Et sachez que la loi travail a été promulguée par François Hollande et officiellement publiée il y a quelques instants au journal officiel. 3 920 € par minute, c'est possible, mais seulement si vous êtes les créateurs de Pokémon Go, cette appli qui vous permet de chasser des Pokémon en réalité augmentée. Le jeu créé par Niantic et Nintendo a déjà récolté 200 millions de dollars de revenus, des gains 7 fois supérieurs à ceux générés par Candy Crush. On termine avec du sport et du foot. Pogba à Manchester United, c'est officiel. Contrat de 5 ans plus 1 en option. Le montant du transfert est de 105 millions d'euros plus 5 en bonus, ce qui fait de Pogba le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Félicitations à Pogba qui a tout déchiré avec les Bleus là pendant l'Euro 2016. Et si vous kiffez le foot d'ailleurs, c'est la reprise de la Ligue 1. Bon, la Ligue 2 s'est déjà repris aussi, mais que ce soit pour le top 14, pour la Ligue 2 ou pour la Ligue 1, on aura des places à vous offrir toute la journée. Ça commence demain pour la Ligue 1. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour aller mater les matchs de Ligue 1 qui reprennent près de chez vous, toi Jules, tu reviens tout à l'heure à 8h30. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure, Jules. Tiens, je voulais vous parler de la roulette aussi qui va tourner. Si vous voulez vous inscrire pour faire tourner la roulette, on vous a mis à l'intérieur le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock, le spectacle du Whoop, pour aller retrouver Mister V entre autres et toute la clique de Mister V. Bah, c'est cadeau pour vous toute la journée dans les roulettes. Très simple pour s'inscrire. Vous envoyez le mot roulette là maintenant au 7-20-20 et vous êtes inscrit pour la prochaine roulette qui va tourner, promis, en ce début de mardi, cette matinée de mardi. Allez, le son sur Skyrock avec Drake pour attaquer cette nouvelle heure du morning rap et R&B. Drake sur Skyrock avec One Dance. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Drake, Lil Wayne et Black M sur Skyrock pour attaquer cette nouvelle heure. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Tell me, I

for me.